cul de macaque avec nous. Merci pour ta patience, qui va nous donner des nouvelles de Gérard de Suresnes, des nouvelles du front. Je ne sais pas où est-ce que peut bien se trouver aujourd'hui notre Gérard national, qui est totalement disparu de la circulation. Il y a de la news. Ah, hein. Il se rapproche de la France. Bah, un petit peu, enfin, il est en Russie, je ne sais pas si c'est la dernière fois. Je m'en souviens, ouais. Il est toujours un petit peu dans les pays de l'Est. Bon, je te laisse le plaisir de découvrir et m'envoyer un petit email. On est censé découvrir le pays. Voilà, tout à fait, de le savoir dans le texte, ça vient au fur et à mesure. D'accord, vas-y. Donc, salut mon pote, je t'envoie un petit email. Donc, ça veut dire que pour Christine et moi, tout va bien. Alors, on rappelle qu'il est toujours avec Christine, c'est son ex, il a donc laissé tomber Sandy. Ah, toujours, ça c'est officiel, hein. Il est parti avec Christine, Sandy, c'est oublié. Hein. C'est il a du goût, hein. Ouais, ouais. Ah, ouais, il a du goût, attention, c'est clair. Donc, on est sur un très gros coup en ce moment, il me dit, donc on va embrayer sur Love Story. Il me dit, tu connais forcément Love Story, la station française de Big Brother, et ben nous, on va monter Pig Story. Ça consiste de Pig Story, c'est que les cochons. Ouais, d'accord, ok. Donc, on va faire un petit casting de rêve. Donc, je te dis le casting quand même, tu vois, il y a du costaud, il y a du lourd. Bruno Dutouring de Grande-Bretagne, quand même. Stéphane Alcolo, Françoise, c'est Maxime. Alan Michael Jackson, Martine, Jean-Pierre Sauzère, David de Saint-Etienne, Christine, Henri, Sandy et bien sûr Gérard de Suresnes. Il y a vachement plus de mecs que Nana dans le loft là. Hein. C'est chaud. Ils ont intérêt à balancer. Je crois que Sandy elle prend par 4, tu vois. Ouais, mais j'allais dire, il y a Christine et Sandy, ça compte double ou triple. Il faut des bouteilles d'oxygène pour pas qu'ils tombent dans les pommes avec l'odeur et puis surtout, voilà, faut de la clim à mort. Hein. Ok, ouais, bah, tu vas voir pour le tournage. Donc apparemment, il me dit je suis en pleine négociation pour récupérer un squat dans un ancien chenil. C'est chaud. À Bucarest en Roumanie. Donc tu vois, il est en Roumanie apparemment. C'est lui qui dit ça, c'est pas toi. Non, c'est lui, non. Ouais, je te crois. C'est un animal qui vient de lui, ça. D'accord. Donc voilà, il dit qu'il n'arrive pas à avoir le chenil, on se rabattra sur un abattoir. Donc, pour le matériel, au lieu des 26 caméras et des 50 microns, on va récupérer un Polaroid et un magnéto à cassette. Et à la place de la piscine, il me dit j'hésite encore entre un bidet et une bassine. Et puis voilà, on fera des petits défis pour augmenter notre budget pour acheter de la villa. Et c'est vrai que pour la plupart d'entre eux, je ne citerai pas de nom, mais le fait d'avoir une piscine pour eux, ça sera un apport parce que. Ils ont l'impression. Oh, regarde, ils ont mis une baignoire géante, rien que pour nous faire chier. Et puis donc voilà les petits défis pour le budget à villa. Et puis voilà, les gens pourront voter aussi pour les éliminer par tatou. Là, au top de la technologie, alors, quand même. Mais la difficulté quand même là-dessus de cul de macaque, c'est que là ça serait super chaud parce qu'on aurait envie qu'aucun ne s'en aille. À chaque fois on aurait vraiment là par contre du mal à envier rien. Là ça serait dur. Là ça nous ferait chier. Moi personnellement, dans tous ceux que tu as cités, j'aimerais pas que quelqu'un qui s'en aille. Pour arriver à faire un tri, c'est chaud quand même. Et puis t'imagines Henri en train de prendre Sandy dans la piscine. Arrêtez. Arrêtez, non, dites pas ça. Non, termine ton message là. Donc, et puis au final, le couple vainqueur pourrait gagner une magnifique R14 presque neuve. Voilà pour les vainqueurs. Je pense que ça va cartonner, surtout chez les Tolars, il dit. Et puis ben, en attendant, je te donne ma nouvelle adresse email si tu veux me joindre. Donc c'est gourdasafoutre@pronombour.fr. Et puis voilà, passe le bonjour à la Dream Keys, donc je vous passe le bonjour à tous. Et puis à bientôt mon pote. D'accord, bah c'est cool, bon esprit, dès qu'on a des nouvelles bien entendu de notre ami Gérard de Suresnes, qu'on salue au passage, on ne sait jamais s'il nous écoute par internet ou par peut-être qu'il a une valise satellite. C'est possible, même dans le désert, qu'il n'hésite pas à nous tenir au courant. Et merci de recevoir et d'être toujours en contact avec Gérard, qu'une maquette. Et dès que t'as d'autres news, tu reviens. Hein. Pas de soucis. Pour venir plus souvent, hein. J'espère que d'ici la fin de la semaine, t'auras des news hein, quand même. Ah bah écoute, ça peut être jouable. Bon, alors avec plaisir. Merci. Ciao, bonne bourre.